Quelques-uns ici à avoir développé une véritable amitié, on s'est refilé nos numéros de téléphone, on essaye de se dépanner en laissant, en déposant des trucs à l'accueil. D'ailleurs, il y a le numéro de téléphone de la radio où tous les gens qui nous écoutent peuvent nous appeler. Ah bon ? 06 60 27 06 79. Donc vous pouvez nous appeler et vous passez en direct avec les métanoïaques en réunion. Là. On est 06 60. Quentin, dis-le-toi que tu as un meilleur accent que moi. 06 60 27 06 79. 79. Ouais. Voilà, on est donc vous pouvez nous appeler, vous parler en direct. Il y a Ignaltinio qui vient de nous faire un récit sur les systèmes solaires. Il nous a dit qu'il y a des planètes du système solaire qui sont inconnues, qui sont fermées pour les gens qui sont à la Terre, et que lui, il a le droit de visiter parce que je ne sais pas quel pacte il a fait, mais il a les planètes Solum, les planètes. Comment s'appellent les planètes, Ignaltinio? Solum. Soltum. Agadum. Soltum, Magdum, Agadum, Odum. Micro, attends. Quantum, c'est excellent. C'est excellent comme. Quantum, mais Quantum, c'est dans la théorie de la relativité d'Albert Einstein, le Quantum. Ouais. Ouais, bien sûr, c'est un terme scientifique. Moi, je me dis aussi, il appelait Soltum, Magadum, Octum, Atum. Atum. On dirait les choses. Magdoum. Laurent Magdoum, vous vous souvenez pas? C'était un gros bonhomme renois qui faisait de la télé. Je parle. Tu dis, t'as dit Magdoum. Je parle. Excuse-moi, mon cœur. Vas-y. Magdoum. Vas-y. Quantum. Quantum. Voltum. Voltum. Voltum. Et bon, je sais pas parce que. Moi, c'est Voltou. Non, mais c'est intéressant que tu nous rapportes tes connaissances système solaire parce que nous, on n'a pas accès à ça. Merci, Ignaltinio. Ignaltinio, hein. Fait toujours la chronique système solaire ici quand il vient, parce que des fois, il ne vient pas. Il est en voyage. Il est en voyage extraterrestrial, système solaire, mais ce n'est pas l'univers, hein, c'est le système solaire. Mais c'est normal. La science-fiction, ça a toujours fait rêver les gens. Et il y a des gens qui la il y a des gens qui la réinventent. Et il y a des gens qui se réinventent avec la science-fiction en écrivant ou en lisant. Et mon père fait partie de ces gens-là. Il a grandi avec la science-fiction. Il m'a transmis ça. Il l'a transmis à ma famille. Et on est tous passés par la case des bouquins de science-fiction qui prennent toutes les étagères qu'on n'en peut plus. Et moi, j'ai remplacé à un moment donné toute la science-fiction par des classiques parce que je me faisais engueuler par ma prof de littérature parce que je ne lisais pas les bons bouquins. Je ne faisais pas les fiches de lecture sur les bons bouquins, moi. C'était Arthur C. Clarke. Tu lisais des science-fiction? Ouais. Arthur C. Clarke, c'est mon préféré. Il est poétique, il est magique. Oh ouais. Les filles l'aiment bien parce qu'il a une douceur dans l'écriture. Voilà. Voilà. Et là, on entend le guitare. Là, on est pas encore sur les ondes FM, mais on se croirait en Espagne. On pourrait déjà mettre un peu. Si vous m'aidez à mettre un peu de micro à. Il manque les enchiladas. Pedro et Ernesto. Il faut deux micros, un micro pour la guitare. Et un oui, micro. Les amis. Attends. Mais il y a un pied aussi. Queso, est-ce que vous pouvez Oui, peut-être un pied pour la guitare et un pied pour les micros. On va lui mettre tous les micros. Voilà, la parce question, que là, quel est le sujet du moment. On se fait un emploi, c'est-à-dire que vous jouez, vous chantez, et nous, on vous applaudit, on vous admire. Ah, moi, c'est parfait. Parce que d'habitude, c'est le contraire, c'est vous qui voilà, nous admirez. Voilà, on est prépare, on est à 17h, on est en direct sur Pinot, et pour l'instant, on prépare. Ça a l'air de passer. On peut en mettre qu'un seul. Il y a eu, je vais vous raconter, quoi. Il y a eu 10 personnes qui sont passées, qui sont parties. Voilà. On a parlé d'entendre des voix, on a crié, on a pleuré, on a sauté, on a ri. Là, on s'est mis à chanter. Voilà. Et tout le monde vient ici aujourd'hui parce qu'il nous faut quand même une salle un peu plus acoustique. Qu'est-ce que vous pensez? Ton prénom, j'ai oublié. Moi, c'est Tarek, mais Tarek. On m'appelle Bibip. Bibip, on a la radio. On t'appelle Bibip. Qu'est-ce que tu penses de la radio, Bibip? La radio, donc déjà, il faut savoir que ce sont des fréquences. Et les fréquences, chaque molécule agit par rapport à une certaine fréquence donnée. Donc, disons le cristal. Pour briser le cristal à partir des vibrations sonores, ça atteint à partir d'une certaine fréquence. Moi, je dis chaque matière a une fréquence donnée. Et bon, je ne vais pas rentrer dans la théorie du complot, mais avec tous les injections que nous a données. Il n'y a pas besoin de théorie du complot, ce que tu dis, c'est scientifique. Oui, c'est vrai. T'en es loin de la théorie du complot, là. C'est scientifique, voilà. Ce que tu dis, c'est vrai. Donc, je le sais, je me baladais dans les expositions des cristaux géants quand j'étais petite, parce que j'ai un oncle qui est scientifique. Voilà, donc je me baladais dans toutes ces expositions, et ce que tu dis est vrai. Donc, chaque molécule à une fréquence donnée, et les molécules du vaccin, bon, on nous a tous vaccinés, obéissent à des fréquences bien précises. Et si ceux qui détiennent ces fréquences les utilisent, ils peuvent contrôler nos gestes et nos pensées également. C'est ma théorie. Oui, non, mais ça me semble tout à fait logique. C'est comme ça, la radio, c'est ça. Hein. La radio, c'est une onde. Et les gens qui se mettent dans la même longueur d'onde que nous, ils peuvent nous écouter. Mais il y a un troisième paramètre. Il manque le troisième paramètre. Allez-y, explique-nous. La personne qui détient la puissance, qui détient la connaissance de la fréquence et qui souhaite la diriger pour une destinée. La tasse. Celle-là, j'en ai pas connaissance. Tu n'as pas connaissance de... Tu penses qu'il y a un maître des fréquences? La grande radio. L'institution, je dirais, l'institution suprême. Bon, ça peut être des militaires, ça peut être l'État. Ça peut être aussi des gens qui... secrètes, pas forcément de cette terre. Hein. Mais de toute façon, sur Terre, hein, on est une expérience. Et la vie est une expérience en elle-même, de toutes les manières. Oui. C'est une suite logique. On va reprendre tout à l'heure. On va écouter notre chef de service, Metanoia, qui va chanter une chanson en portugais qu'il a composée avec un cœur de Metanoia. Et après, on va revenir sur les ondes. OK, bip, bip. À tout à l'heure. Oui, Eric, on a feedback, on a un matos un peu pourri, mais on fait comme on peut. Marinheiro sou. Mas eu não sou daqui. Marinheiro sou. Eu não tenho amor. Marinheiro sou. Eu sou da Bahia. Marinheiro sou. De São Salvador. Marinheiro sou. O marinheiro, marinheiro. Marinheiro, marinheiro. Quem te ensinou a nadar? Marinheiro, marinheiro. Foi o tom do sol. Marinheiro, sol. Foi o balanço do mar. Marinheiro, sol. Mas lá vem, marinheiro, sol. Como ele vem faceiro. Marinheiro, sol. Todo de branco. Marinheiro, sol. Com seu bonezinho. Marinheiro, sol. Mas lá vem, marinheiro, sol. Ele vem. Faceiro, marinheiro sou, todo de branco. Marinheiro sou, com seu bonezinho. Marinheiro sou, o marinheiro, marinheiro. Marinheiro sou, quem te ensinou a nadar? Marinheiro sou, foi o tombo do navio. Marinheiro sou, ou foi o balanço do mar? Marinheiro sou, marinheiro, marinheiro. Marinheiro, quem te ensinou a nadar? Yo. Marinheiro, marinheiro, marinheiro sou. Ou foi o balanço do mar? Marinheiro Yo. Sou. Ande. Marinheiro sou. Como ele vem faceiro? Marinheiro sou. Todo de branco. Marinheiro sou. Com seu bonezinho. Marinheiro sou. Mas lá vem. Marinheiro sou. Como ele vem faceiro? Marinheiro sou. Todo de branco. Marinheiro sou. Com seu bonezinho. Marinheiro sou. Marinheiro, marinheiro. Quem te ensinou a nadar? Marinheiro sou. Foi o tombo do navio. Marinheiro sou. Foi o balanço do mar. Marinheiro sou. O marinheiro, marinheiro. Marinheiro sou. Quem te ensinou a nadar? Marinheiro sou. Foi o tombo do navio. Marinheiro sou. Ou foi o balanço do mar? Marinheiro sou. O marinheiro, marinheiro. Marinheiro sou. Quem te ensinou a nadar? Marinheiro sou. Foi o tombo do navio. Marinheiro sou. Ou foi o balanço do mar? Marinheiro sou. Marinheiro, marinheiro. Marinheiro sou. Quem te ensinou a nadar? Marinheiro sou. Foi o tombo do navio. Marinheiro sou. Ou foi o balanço do mar? Marinheiro sou. Mas lá vem. Marinheiro sou. Vem fazer marinheiro sou, todo de branco, marinheiro sou, seu bonezinho. marinheiro sou. Mas lá vem, lá vem, marinheiro sou. Como ele vem faceiro, marinheiro sou. Todo de branco, marinheiro sou. Com seu bonezinho, marinheiro sou. Marinheiro, marinheiro, marinheiro sou. Quem te ensinou a nadar, marinheiro sou. Foi o tombo. Tudo lá no noite, marinheiro sou, marinheiro sou, marinheiro sou, marinheiro sou, marinheiro sou. C'était génial. Ça veut dire qu'on est des marins, marinheiro sou. On est tous des petits marins. Oui, oui, oui, marinero so, et on est tous des marinero. Et on va aller au carnaval de Rio avec aussi nos amis qui soignent les hôpitaux des jours, qui sont devenus des écoles de samba. Tapirando, pirado, piro. Locura suburbana. Super. Tous les métanoïaques à la musique. On est sur Pinot. Oh yeah, yeah. Ça vibre, ça vibre. Là, on voyait les robes à poids, oui. Tu sais, les femmes qui dansent là. C'est nécessite ou n'importe quoi de grâce. N'importe quoi de grâce, va les baki. Aïe, aïe, aïe, aïe, Santa Maria. Nosso marinero, por qui se ve, por qui se ve, por qui se ve. Coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro, Bravo. fois immédiatement. Pas de médiateur. C'est pas aussi que c'était mis. On a toujours un médiateur dans sa poche. Vous êtes Tracy Chapman, les plus connus sur premier disque. Quand tu en as. Don't you know? Les femmes enceintes les mettent à fond. Bip bip, t'as plus de voix. Et ton mari va attraper un courant d'air. Merci France. Merci docteur ici. Ça c'est moi content beaucoup ici, hôpital, personnel, fatigué, noble, gentil tout le monde ici. Vive la France. Vive la République. Vive la liberté. J'aime divaguer en liberté, naviguer sur l'océan immensément, que j'aime tendrement, tout en chantant, il est temps. Super, c'est Alliston. Moment Ernestone. De solitude, le labyrinthe de l'incertitude qui prend le relais. Ça sera. Comment il s'appelle le champion ? Du 100 mètres. Au final. Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est le champion de tous les champions. Il a dit des choses qui m'ont ouais. Suivi pendant 10 ans de ma vie. Je voulais courir le marathon. Et il avait dit des choses que j'avais notées à l'époque. Je ne connais pas par cœur parce que le par cœur et moi, on n'est pas OK. Mais il a dit des choses sur le sport qui m'ont guidée. Et j'ai réussi à faire 2 marathons et un 50 km plus. Ah, vous avez fait 2 marathons plus un 50 km. Ouais, j'appelle ça un 500 km plus parce que j'ai couru beaucoup plus que 50 km, mais je ne sais pas combien. Donc je ne dis pas. C'est dangereux pour la santé, non ? Non, ce n'est pas dangereux pour la santé. Par contre, j'ai oublié de faire un truc, c'est les portions c'est les portions que tu dois manger en rentrant. Donc je suis tombée dans les pommes. Ah bah... Et après, je me suis relevée, j'avais plus d'énergie pour préparer à manger, je me suis retrouvée dans un drôle de truc. Donc maintenant, j'ai pris le son et je vais pouvoir me remettre à courir. Parce que là, j'ai pris du poids et le sport, ça guide. Vous êtes la première personne que je rencontre de mon vivant qui a fait un marathon, au minimum un marathon. J'en ai fait deux plus deux, 50 km. Non, mais ça veut dire au minimum. Hein, ça veut dire parce que je connais pas trop. Parce que c'était un rêve d'enfant. C'était un rêve d'enfant. C'était un rêve d'enfant, ouais, que j'ai réalisé. Rêve d'enfant réalisé. Je voulais aussi toucher les avions. Toucher les avions. Ouais, j'habite à Paris en France, je voyais les avions de très près. Je voulais les toucher. Donc j'ai travaillé en sûreté aéroportuaire, j'ai pu toucher des avions de collection, le Concorde, les A380, tous. J'ai pu parler aux gens qui ont créé les avions. Et c'est génial et je me suis éclatée dans ma vie professionnelle et ça va continuer puisque là, j'ai été contactée il y a quelques heures pour refaire une formation et c'est reparti, donc je suis contente. Voilà. Ça, c'est le petit truc que je voulais vous partager avec vous, mon petit bonheur. C'est que je vais pouvoir retravailler, voilà, dans le domaine que j'aime. Et je vise la formation où je voudrais être formatrice. Donc j'en ai parlé et ils sont en train de voir en quelle mesure c'est possible. Voilà, je veux prendre mes revanches et je veux les prendre aussi pour que ça soit possible pour vous aussi. Voilà. On ne va pas se laisser faire sous prétexte qu'on est passé par la case H. On ne va pas se laisser abattre. On a tous les atouts, de toute façon, pour pouvoir réussir. On est des ogives. Il y a les atouts pour les ogives, c'est nous. Ouais. On est de la balle. On a de la balle atomique. Donc, là, il s'agit donc d'un cadre. Il s'agit d'un cadre. D'un double cadre, je dirais, au milieu du double cadre très resserré. Hein, y a un cercle, une demi lune. C'est une pomme. Là, c'est très difficile à deviner. C'est un jeu. Je suis pas très doué. Déjà, c'est comme un visage. Pas un visage, c'est comme une personne qui tient une capuche, mais il n'y a pas encore le visage. On voit les épaules. On voit les lèvres se dessiner, des on belles voit les lèvres. Lèvres. Se dessiner. Tu sais à quoi ça me fait penser, le pot de fleurs en forme de tête. Tu sais, tu as le feuillage qui sort de la tête, en fait, qui représente les cheveux. Tu as déjà vu ce truc-là? Ils le vendent en ce moment chez Lidl, c'est très marrant, ça fait rire les gamins, ces trucs-là. Voilà, tout ce qui est publicité, moi, ça va direct à la poubelle. Hein. Ah bon? Ouais, tu as raison, le monde de la consommation, faut pas... On est tous des Greta Thunberg. En fait, moi, le problème, lorsque je fais des achats, c'est sur place, c'est les achats de coup de cœur. C'est les achats de coup de cœur que tu as fait. Coup de cœur, ouais. Je vois une boîte de riz, hein, je fais « Ah, non, riz, moi, je planifie le riz, tout j'ai le besoin temps. De riz, je vais tomber amoureux de ce riz-là. » Hop, paf. 1,50€, 2,50€, allez, celui-là, il est mieux. 2,50€. Donc, il est en train de dessiner une... Je dirais, je ne sais pas si c'est une demoiselle ou un homme encore, parce que les signes distinctifs ne sont pas encore là. On voit les yeux, on voit le nez, on voit la chevelure, mais qui peut être autre chose qu'une chevelure. C'est ça aussi. Les lèvres se dessinent. Il s'agit de moi-même, en féminin. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ça. C'est bon, hein. On dirait un homme. Donc je passe voilà, le relais. On dirait une femme. Parce que les cheveux. C'est une femme. C'est une femme. Oui. Les cheveux, c'est une femme. Oui. Cette maison, elle est belle. Scintillante. Exceptionnel. C'est une femme de boîte de nuit. Une femme de boîte de nuit. Boîte de nuit, discothèque. Non, discothèque. Là. C'est. Paillettes. Moi, j'ai une question. J'ai une question à vous poser. Il y en a combien qui ont des enfants ici? Qui ont leurs enfants, qui ont fait des enfants? Est-ce que tu as un enfant? J'en ai fait un en coup double, je dirais. Un en coup double, tu as des jumeaux? Des jumeaux. Ils ont 11 ans, magnifique. Ils sont en 6e. Et en 6e? Ils sont premiers ex aequo hein, dans mon cœur et à l'école d'examen. C'est mignon. Ils sont dans la même classe? Toujours, ils ont toujours été dans la même classe. Ils ne les ont jamais séparés, ça c'est intelligent. Si, une fois. Et ça s'est mal passé, je parie. Non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mais toujours, ils disent. faut séparer les jumeaux. Faut gérer. Mais ouais, en ils fait, ont des hein, théories sur faut... tout, mais. Il n'y a aucune théorie. Hein. S'ils sont bien ensemble, ils sont bien ensemble. S'ils sont séparés, s'ils sont séparés. Voilà. Le hasard fait en sorte qu'ils sont dans la même classe. Ils ont toujours été dans la même classe. Ils sont dans la même classe, là. Je trouve ça super qu'ils ne les aient pas séparés, justement. Mais par contre, eux, c'est jumeaux, mais ils n'ont pas la même mère. Hein. Ils n'ont pas le même. Le même quoi. Voilà. C'est le mystère de la science. Hein. Il est à 100%. On a 3 minutes. 3 minutes. On se rapproche de la théorie du complot. 3 minutes. 2 minutes. Moi aussi, je suis maman et je voulais dire que je suis super fière de mon fils. Qui m'a dit quelque chose de très mignon tout à l'heure. Il m'a dit, maman, si je m'exprime aussi bien que je le fais, c'est grâce à toi. Il m'a dit ça tout à l'heure au téléphone, c'est sorti comme ça. Ben, j'ai failli pleurer. Ben, voilà, tellement j'étais émue. Ben, moi, je réalise que vous vous exprimez superbement bien. Ben, il a tout à fait raison. C'est un beau compliment qu'il m'a fait. Hein. C'est un vrai compliment. Ouais, et de ma part ça, également, c'est un vrai compliment ça, vous vous exprimez. Vraiment d'une manière très claire et très fluide. Bon. Ok, je vois qu'il y a des nouveaux. Il y a un fil chronologique. Une minute. Je vois qu'il y a des nouveaux, maman, là. Je suis une maman gâteau. Amy. Il a 18 ans. Ok, ça va démarrer. Yes. On est sur Métanoïa. Est-ce que vous avez capté c'est quoi Métanoïa, hein? Non. C'est quoi Métanoïa. Ici, Radio Métanoïa. Faut trouver un slogan ou quoi? C'est quoi Métanoïa? Et c'est trop compliqué. Ah, Métanoïa, donc définitif, Métanoïa, c'est l'incarnation d'une nouvelle radio sur les ondes FM et aussi bientôt en web radio. Métanoïa, c'est beaucoup de choses. Hein. Métanoïa, c'est un ensemble. Hein, c'est un ensemble qui forme une unité. Métanoïa, c'est un ensemble qui forme une unité, si on peut définir ça simplement. C'est peut-être aussi l'endroit dématérialisé où on peut se marrer et dire un petit peu ce qu'on pense et se défouler. Et être autre chose que dans la représentation et être simplement soi-même. C'est l'endroit qui fait planer, gentiment et sagement. C'est l'endroit qui fait planer gentiment et sagement avec les bons sons de guitare et les surprises de chacun. Et voilà, tout à l'heure, on est parti dans une discussion papa-maman. On a chanté grâce à vous, on s'est défoulé, on était ailleurs, on était en Espagne, on était au Portugal, on était à Cuba. C'était magique. Donc peut-être que Métanoïa, c'est justement ça, de papa-maman à l'univers. Voilà, on s'est ouvert à ce l'univers. Ce voyage comme ça, des origines. Voilà, exactement. Exactement. Voilà. Aux confins de l'univers. Aux confins de l'univers. Attends, Jérémy. T'inquiète, ça va arriver. Donc, on continue. Yes. On fait un tour de table, toujours en live en direct. Donc, ça fait. Ouais, ça va arriver tout de suite. On commence par ma droite, on a Quentin. Quentin qui va nous faire. Viens. T'inquiète, t'arrives. On commence par Igo Altino, après Quentin. Donc, Igo Altino, rappeur. Tu nous dis ce que tu vas faire. Je vais rapper. Dis-le au micro. Je vais rapper sans déraper. Ok. Donc Kigo Altino, il va rapper très très prochainement. Quentin, qu'est-ce que tu vas faire toi? Alors Quentin, il va faire toujours sa chronique d'humanité et psychiatrie du mercredi chez Métanoïa. Voilà. Humanité et psychiatrie. Yes. Ah, il y a du lourd aujourd'hui. Hein. Et à côté, on a... Ernesto Miguel, guitariste et peintre. Oh là. Oh, on est dans les arts modernes, on est dans le... Ah ouais, le béret, le style, les lunettes. Ah, on est dans les arts modernes. Yes, on est dans les arts modernes, on est dans le classique art. Yes. Et moi, qui va nous... Moi, je suis un petit peu la pince-toule, je suis l'outil multifonction. Je connais plein de choses, je suis une bonne généraliste, mais je ne suis pas une spécialiste. Ça peut être l'art, comme monsieur, il dit Chagall. Quand j'entends Chagall, j'ai mon cœur qui bat parce que ce sont des artistes que j'aime bien depuis longtemps. J'étais dans une école d'art. Donc voilà, j'avais 8 heures d'art en plus des matières communes. Donc c'est mon dada. C'est mon dada. C'est le dada. Métanoïa sur le dada, en cheval. Donc après... Qui s'impatiente, qui... Gualtino. Qu'il... Oui, avant qu'il parte au système solaire, moi je te propose qu'on lui. Vas-y, Gualtino, viens nous voir un peu. Viens nous voir, viens nous voir pour du rap. Viens nous voir. Je mets le truc pour toi, viens nous voir. Je branche le micro. Alors, je vais rapper un rap que déteste comme on veut piquer à l'ancienne, mais que j'ai récupéré grâce à la SACEM. La SACEM, c'est ce qui fait de. Qui fait gagner l'argent aux rappeurs et tout ça. Donc j'ai chanté cette chanson. Je rappe avec ma force, tu connais ma technique. J'ai la force de me la vidéo technique. Mon cerveau, tu sais que ça vaut de critiquer, je sais pas quoi faire avec les ragots. C'est de l'univers, je sais pas, de l'univers. Non, j'arrive pas à le faire. Vas-y, il y a du feu. C'est que, ouais. Il y a Le micro décolle. Il s'arrête. C'est notre chroniqueur du système solaire. On continue le tour de table. À côté, à ma droite, toujours, on a une stagiaire qui va nous faire. Ah, she doesn't know. Elle ne sait pas. Je réagirai en fonction des sujets que vous allez aborder aujourd'hui. Improvisation. Tu as écrit aussi les programmes, si tu peux le dire. Oui, le programme du jour. Donc aujourd'hui, on a Bastien, mais il vient de partir, il devait chanter. Il y a Jason qui va nous faire le débrief sur la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Très très parce qu'il vient d'arriver, il vient de retourner de Qatar, là, et c'est ça. Hein, tu vas nous faire le dernier match que tu l'as vu en direct. Voilà. Il y a Jérémy qui va nous faire un rap en impro comme il a l'habitude de faire. Quentin, la chronique sur l'humanité et la psychiatrie, comme il a dit tout à l'heure. Séverine. Oui. Je sais pas, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Micro. Moi, en fait, je me suis acheté en... Prends le micro. Ah, ok. Donc, je continue le tour de table. Tu continues le tour de table. Ouais, va parler. En fait, je suis inspirée par un truc que tout le monde connaît, c'est Hakuna Matata. Ce nom signifie, cela signifie philosophie. Hakuna Matata, tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Donc c'est mon bracelet, c'est ce qu'il y a écrit sur mon bracelet. Il va me porter chance. Il va me suivre dans toutes mes aventures, agent de sûreté. Il va me suivre dans toutes mes aventures et c'est ce que je vous souhaite aussi. Donc quand ça va pas, vous dites Hakuna Matata. Au lieu de dire des putains merde fait chier, vous le dites Hakuna Matata. Hakuna, Hakuna, Hakuna Matata. Hakuna, Hakuna Matata. C'est ça même. Le Roi Lion, un classique de Disney. Donc on continue. Après, on a Martin, le modérateur qu'on ne présente plus aujourd'hui. Connu de tous. Ensuite, on a un petit à la gauche, Rachid Tachib. J'ai fait du théâtre avec lui, donc je sais qu'il a à revendre aussi. Hein. Tu vas nous faire quoi, Tachib? Yes. Un amoureux de la France, un vrai patriote, un vrai patriote. Après, toi, comme ça, grand comme ce cœur. Moi, pas beaucoup parler français, s'il te plaît. Après, moi, hôpital, tous les jours arrivé, après-midi, clinique ici, un petit peu parler français avec un copain de moi ici. Tachib, si je peux me permettre, j'étais son colocataire de chambre et c'est un des plus grands défenseurs des droits humains. Les droits humains, de la liberté et de la non-violence. Voilà. Merci, compliment. Oui, moi aussi, j'ai aussi la chance de croiser Tajid à l'hôpital des jours. Yes. Vraiment quelqu'un de formidable. On est content que tu sois là, Tajid. Tu rapportes toujours un grand cœur et de la transparence et plein de choses. Et là, on doit dire qu'il dessine, toujours des êtres cosmiques aussi. Hein. Ouais. Ils viennent d'où tes dessins, Tajid? D'où viennent tes inspirations? Qui c'est? D'où tu viens? C'est qui c'est? Ça, sa fille française, c'est très gentil. Ça, c'est moi, un petit peu. Classe française. La classe. Oui. Fille française. Qu'est-ce que c'est, moi? Tout le monde ici. Noble. Compris comme ça? Ça, c'est beaucoup gentil, fille française, avec un garçon, compris. Pas fille, un petit peu respect. Respect. Et après, j'ai bien aimé l'autre fois, Agit, quand tu as fait un. Moi, de sa fille. Moi, un pour garçon. Moi, Albanie, soldat marine. Marine, c'est Albanais. Peut-être que tu as un garçon en France, moi, tous les jours, à l'hôpital ici, marine, ça. Sport, musique, école. Après, moi, content d'adolescent, copain, fille, adolescent, garçon, adolescent. Ça, il n'y a pas de drogue. Ça, moi, regarde, fille, adolescent, monsieur vieux, ça, c'est drogué, monsieur vieux. Fille après victime. Et en fait, Tachib, il défend beaucoup les femmes. C'est ça que je voulais dire. Là, il parle d'un couple qui est plus jeune, la femme plus jeune et le monsieur plus âgé. Et Tachib défend beaucoup les femmes. Quand il était au G14, moi, défendait... copine ici à l'hôpital du jour. Voilà. Christine, jamais copine était. C'est un, ça, c'est toute ça. Seule. Et pas Tachib, copain. Il achetait des téléphones, il prenait les jeunes filles qui étaient un peu perdues au G14, à l'hospitalisation, oui. Et il les aidait à s'en sortir dignement, oui. Et avec grande humanité. Et c'est très bien, Tachib, parce que j'étais tout seul à le faire. Et quand je t'ai rencontré, on était deux, si tu te souviens. Et du coup, voilà. Non, un, pas deux. Non, deux. Un. Français, un. Un Français moi, et un Alban. Non, pas Albanais. Non. Tout seul, un. Et on était beaucoup. En tout cas, avec toi, on était moi, tous beaucoup. Moi, beaucoup connais ici. Bonjour. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est copain après, difficile pour moi. Moi, conflit après, c'est pas gagné, conflit, moi. Ouais, toute seule, c'est bon. C'est vrai. Mmh. Oui, moi, j'ai bien aimé. Mal accompagné. Tu es mieux seul que mal accompagné, c'est ça? Tu es mieux seul que mal accompagné. T'es mieux tout seul. Un. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il m'a tout le temps dit, Tachib. Oui. Tachib, c'est aussi le gars que j'ai rencontré quand je fais mon footing le dimanche. Qui se balade sur le canal de Bourg. Ça, c'est une pièce ici, champion. Moi, peut-être qu'on est une pièce, copine à moi, une pièce. C'est très, très, très gentil. Beaucoup que ça, c'est une pièce que rouge. Que rouge. Hein? Micro. Exactement. Non, mais c'est bien. Mais merci, aussi, on a notre slogan. C'est cool. Non, mais c'est on bon a aussi, notre slogan. Parce que il nous a fait... Attends une seconde. Il nous a fait l'autre fois, quand tu étais là, c'était un peu moins bien. Et au début de la guerre, tu as fait un poème contre Poutine, je me rappelle. Entre Albanais et merde. Déjà oh, on est des retours. On est des retours parce qu'on a perdu un peu, on a dû changer de pile. Hein. Il faut dire qu'on a un matériel un peu préhistorique, mais on va bientôt avoir des autres choses. Mais là, on est de retour. Okay. Merci à Bip Bip. Yo. Vas-y, quelques mots. Donc, là, je découvre le studio hein, aujourd'hui. Hein, c'est la première fois que je viens. Hein, je découvre qu'il n'y a que du beau monde, hein, que du talent. Hein. Donc j'interviendrai lorsque j'entendrai des belles choses hein. Sinon moi tous les sujets me passionnent hein. Surtout tout ce qui est en rapport avec le paranormal hein. Donc, si on aborde ce sujet, hein, je serai présent. Voilà, tout simplement. Super, super. Que des choses intéressantes à Radio Métanoïa. Du coup, derrière, il y a une demoiselle qui se montre assez discrète. Pas d'intervention, me dit-elle du doigt. C'est bien dommage. Donc on passe à Jason, amateur de rap et R&B et de hip-hop, c'est ça? Ouais, ouais. Yes, yes. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Ah, les vrais de la finale de la Coupe du Monde. Ah, tu vas parler de la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Oh là là, c'était quel match incroyable. Incroyable. Mais moi, je suis en pari, hein. Moi, j'étais 2-0 pour l'Argentine après les penalties. J'étais pas pour la France, moi. J'étais pour l'Argentine. 80e minute, penalty. Mbappé, après, une minute après, Mbappé l'égalise. C'était un truc de ouf. Mais moi, j'étais pour Messi, hein. J'étais pour l'Argentine à 100%. Ouais, il avait marqué un penalty à. Ah, mais il a fait un de ses meilleurs matchs. Penalty à la 13e minute. Yes, yes, il a fait un de ses meilleurs matchs. Farouk, toi, c'est comment? Il y a R aujourd'hui pour toi? Il y a R. Même pas une. Comment on dit ça? Une reprise, une. Je sais plus comment on dit ça, une reprise, une. Bonjour. Ouais, ouais, une cover comme d'autres fois. Non, mais peut-être que je parlais d'un sujet. Du suicide. Ouais, ouais, ouais, faudra en parler. Faudra en parler. Parce que les médias n'en parlent pas, les médias publics n'en parlent pas en vrai, ils donnent des fausses statistiques. Et du coup, on va finir avec, avant de revenir sur Emma, on va finir avec l'homme au béret qui va. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à dire. Micro, micro. Je n'ai rien à dire. Ah, t'as quelque chose à dire, Quentin? Je vous présente Ernesto parce qu'il est un peu timide, c'est sa première fois à la radio. On est voisins. Et... Il est déjà venu. Ah, d'accord, il était déjà venu plus tard. Il peut en témoigner, c'est venu deux fois. Là, c'est la troisième. Du coup, Ernesto, je l'ai poussé à venir redécouvrir un petit peu le nouveau monde de la radio Métanoïa. Et je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire, parce qu'il est un peu timide au début, mais après, il va parler, je pense. Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous êtes doué en peinture ou en ce que vous voulez, vous le faites. Et puis, positive attitude jusqu'au bout. Hakuna Matata. Il n'y a pas de souci. Donc, let's go, c'est parti. On commence avec Emma. Je voulais juste parce que j'ai entendu un mot qui est violent. J'ai entendu le mot suicide. Je voulais dire que quand ces pensées-là arrivent, il faut apaiser son cœur. Il faut qu'il y ait des automatismes de protection. Le suicide, c'est pas une option. C'est pas possible. Il faut pas que ça arrive. La vie, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de magique. C'est sa propre vie, c'est magique. La vie des autres est magique. La vie ensemble est magique. Paris est magique. Bon, ça, c'est autre chose, c'est du foot. Mais c'était pour rigoler. Mais par contre, non, le suicide, c'est juste pas possible. C'est un truc qu'il faut vous dire. Ce n'est pas une option. Il faut retirer ces idées là de sa tête. Il faut accepter que quand ça arrive, ben on a besoin du docteur pour qu'il sache nous enlever ces idées-là de la tête. Parce que chaque unité, on est une unité au milieu de beaucoup d'autres, mais on est valable, on est quelque chose, on représente quelque chose. Et s'il en manque un, tous les autres sont en souffrance, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. C'est comme ça dans beaucoup de religions. C'est pensé comme ça dans beaucoup de religions et c'est pensé comme ça dans ma tête aussi. Moi, j'ai besoin de que chaque unité se sente bien, soit heureuse au moins une fois par jour. Hein ? Sentez-vous bien au moins une fois par jour. Le suicide, ça ne va pas être possible. Je ne supporte pas. Si je m'attache à quelqu'un et que ça arrive, ce n'est pas possible. Oui, mais c'est un sujet qu'on peut aborder. Mais Farouk, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport au suicide? C'est toi qui as lancé la discussion. Tu prends un micro et on en parle. En fait, quand j'étais hospitalisé, 2018. Oui, est-ce qu'on entend là? Je ne sais pas si on entend. Si. Allô, allô, allô. Oui. Allô. On m'entend? Oui. Donc, je disais, quand j'étais hospitalisé en 2018, j'avais un compagnon de chambre qui voulait mettre fin à ses jours. Il n'arrêtait pas de me le répéter, etc. Et ben, moi, je me suis inquiété pour lui. Donc, j'ai eu un entretien avec un médecin à l'époque, je ne sais plus c'était lequel. Et je lui ai expliqué que, bah, que mon compagnon de chambre, il me parlait de vouloir se suicider, d'aller en Belgique et se faire euthanasier, etc. Et bah, le médecin, il a voulu me rassurer en me disant qu'il avait toujours ce genre de délire, etc., de pensée, mais que bon, il fallait pas prendre ça au sérieux. Et là, j'ai appris aujourd'hui, on m'a appris qu'il s'est suicidé finalement. Enfin. Et merde. Pendant le Covid ou un peu avant. Et mince. Et c'était juste pour dire que en général, les gens quand ils font des appels au secours comme ça, faut pas les prendre à la rigolade. Et... faut essayer d'être là pour eux. Et... il y a de la vraie souffrance derrière chacun de ces mots. Ouais. Et ça m'a fait quelque chose, en fait, parce que j'aimais bien cette personne. Mmh. On s'est déjà vu à l'extérieur, etc. On a bien rigolé. Et donc, voilà, moi, j'ai transmis l'information au médecin. Et bah, ça n'a pas été pris au sérieux, ça n'a pas été relayé. Donc, Et maintenant, c'est toi qu'il faut protéger de tes propres pensées, de ta propre tristesse par rapport à ça. Non, peut-être. Ça va, non. Ça dépend de ta sensibilité. J'ai pas de pensée suicidaire. C'est... non, je pensais pas à ça. Ça doit te rendre triste. Ah oui, non, mais ça me. Oui, cette oui, tristesse, non, mais peut-être aussi qu'elle elle va devenir quelque chose de peut-être à gérer aussi. Non, mais je on va dire que je connais ça. Je te connais pas, donc je sais pas, mais j'imagine que tu dois être triste et peut-être même un peu désemparée. Et que ça peut devenir quelque chose dont il faudrait juste, que tu parles. C'est juste que bah, là, je veux juste faire passer un message pour dire qu'il ne faut pas prendre à la légère ce genre de déclaration venant des gens, même si c'est, même si c'est répété. Enfin, surtout si c'est répété, en fait, il ne faut pas, faut pas prendre ça. Parce qu'après, il y a ce qu'on appelle le passage à l'acte. Et il n'y a plus de retour. Comment il a pu se retrouver tout seul, voilà. Et comment il a pu faire ça? J'ai plusieurs proches qui se sont suicidés. Et moi-même, l'année dernière, j'étais désespéré et j'ai fait 3 tentatives de suicide coup sur coup en espace d'un mois. Je restais dans le coma et je pensais que c'était la seule solution d'aller bien. Et quand on m'a donné les antidotes pour l'après-coma, en fait, pour sortir du coma, je me suis rendu compte qu'en fait, rien qu'en ouvrant les yeux, de voir des infirmières, des infirmiers qui étaient là pour moi, qui étaient dans la vie, qui rigolaient ensemble, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et comme tu dis, Séverine, en fait, si j'avais laissé mes proches, si j'avais réussi à... ça aurait été compliqué pour tous les gens qu'on laisse quand on se suicide, en fait. Ouais. Donc je partage la peine de Farouk, éventuellement, si on peut dire le mot peine. Et les appels au secours, c'est vrai qu'on en fait souvent. Les proches peuvent voir ça comme... je sais pas comment dire, mais comme parfois ils ne comprennent pas que c'est des appels au secours, parfois ils pensent que c'est pour faire attirer l'attention. Voilà, parfois on pense que c'est pour faire attirer l'attention, mais j'ai une amie qui s'est suicidée comme ça, je suis touché aujourd'hui, et je m'en veux de ne pas avoir été là, parce qu'à chaque fois on dit c'est des trucs itératifs, quoi. En psychiatrie on parle d'appels SOS itératifs, et quand la personne n'est plus là, on se dit bah en fait on aurait dû prendre en compte plutôt ça, quoi. Et d'amener les pompiers chez les gens, c'est vrai que c'est pas la solution, mais parfois c'est la seule pour les protéger aussi, et d'eux-mêmes et de ce qu'ils peuvent faire, voilà. Ouais, c'est bien d'en parler, c'est courageux, parce que c'est des sujets qu'on nous a rendus tabous, que la société a rendus tabous, et à cause de ces tabous-là, justement, bah, y a pas de réaction au moment où il devrait y en avoir. C'est ça l'impression que ça me donne. Que dirais-je pour te reprendre les mains, que quand on est confronté à une TS... Ouais, qu'est-ce qu'on doit faire? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ouais. Hakuna Matata. Les faire sourire surtout, les faire sourire. Oui, mais que c'est faire, aussi. Comment réagir? Et aussi que quand quelqu'un meurt, il y a une partie de nous aussi qui meurt. Enfin, comme on le dit, ouais, Farouk. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. La personne qui va commettre suicide, ce n'est pas lui-même, c'est tout seul qu'il va se tuer. Il va tuer aussi les autres. Ce qui est autour. Ce qui est autour. Une partie de nous qui meurt. Avec, donc voilà, donc ça, J'ai l'impression qu'on n'est pas propriétaire de notre propre vie. Et Martin, si je peux me permettre de dire ça, j'ai l'impression que la mort est tellement en ce moment, avec la crise épidémique, etc., toutes les guerres qu'il peut y avoir, j'ai l'impression qu'il y a une banalisation de la mort. Je ne sais pas si ce que vous en pensez. Je pense l'inverse. Moi, je suis de l'avis de Farouk, en fait. Il y a des morts tellement de partout qu'on en arrive à... Je parlais à un infirmier au CMP hier, il me disait « Votre père est décédé d'une leucémie, mais quand on l'a jeune, les enfants, ça les tue. » Et qu'il me parle comme ça, en fait, c'est comme si que c'est, on a un cancer, on meurt, on est enfant, ça les tue, une leucémie. Comme si que c'était banal de mourir d'une leucémie à l'âge de 14 ans. Et je trouve que beaucoup de gens qui travaillent avec des gens qui ont affaire à la mort au jour le jour... Banalisation, comme quand tu travailles aux urgences. Moi, j'ai travaillé aux urgences un certain temps. On en arrive à être la mort, ça fait partie du quotidien. Une personne qui se suicide, c'est comme ça. Et moi, j'arrivais pas à éponger ça par derrière. En fait, j'arrivais pas. Pour moi, c'est pas banal une mort, c'est pas anecdotique, c'est pas. Et on n'a pas à s'accoutumer de ça. Si, mais ça a pas les mêmes effets pour tout le monde. Ça a pas les mêmes effets. Et un débrief aux urgences, c'est une transmission, c'est une synthèse, et après on passe à autre chose. Alors qu'en fait, on devrait accompagner plus les soignants, les policiers, les gens qui travaillent avec la mort au quotidien pour ne faire que ce soit pas banal et que de chaque décès, on tire un enseignement. Oui. Pour revenir à ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis et je pense que du coup, ça dépend des milieux dans lesquels on travaille. Et c'est sûr que dans les personnes qui travaillent dans les hôpitaux ou dans des lieux où ils sont beaucoup confrontés à la mort, ils vont devoir développer des mécanismes de défense pour voilà, s'éloigner de ça. Et oui, ça conduit à une banalisation de la mort. Parce qu'il y a des soignants qui ironisent parfois du décès, qui disent il n'y avait plus rien à faire. De toute façon, c'était un salaud, c'était un psychotique, c'était quelqu'un qui était psychopathe. Mais pour chaque personne, chaque pathologie, il y a quelque chose derrière à en faire. Et éviter d'avoir ces discours-là après le décès. Ouais, mais ouais, le suicide, sérieusement, c'est quelque chose de sérieux. Attends, il y a Dune qui vient nous dire quelque chose. Dune, on t'écoute. Vas-y. En fait, l'idée que j'avais, elle date de tout à l'heure. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis, beaucoup de discours, notamment des discours concernant la mort, les suicides. Et moi, j'étais sur une autre idée. Une autre idée, deux opposés. La mort, la vie, et comme dit Baudelaire, le spleen. Vous avez aussi Supervielle, qui est un poète, et qui lui, en fait, prône la positivité. Et quand je vous écoute, je reste totalement mitigée. Entre un discours où, en fait, j'ai l'impression que c'est un discours fleur bleue, Hakuna Matata, mais c'est pas que je veux critiquer, c'est ta force, c'est ce qui te permet de tenir. Mais je la renie pas, je la dénie pas. Mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas... Non, mais je finis ma pensée. Parce que quand on coupe ma pensée, j'arrive pas à finir mon idée. C'est ta force de vie, cette phrase-là. C'est du positivisme. Et comme tu disais très bien, il faut avancer. Mais de l'autre côté, vous avez parlé du suicide. Vous avez parlé de la mort. Ce concept-là, pour ma part, il est typiquement occidental. Parce que la mort, dans d'autres endroits, dans d'autres pays, elle fait partie de la vie. Il y a des cérémonies, la naissance, les baptêmes, les mariages et les deuils. Et ici en France, je considère que, à part être dans les milieux hospitaliers, ou dans des endroits où on côtoie la mort, c'est un sujet tabou. Donc moi aussi, ici, j'ai l'humeur triste, très triste, pas au point d'en arriver au bout, mais je me sens étrangère à tout ce que vous dites. Je suis là depuis tout à l'heure, je vous écoute. C'est très beau, mais... Sinon, toujours dans ce thème du suicide, ce débat. Comme je disais, plus sérieusement, le suicide, il n'y a pas trop de solutions en vrai, mis à part peut-être le soutien. Il faut trouver un soutien extérieur. C'est le soutien qui tient et pas seulement. Tu as parlé de positivisme et je vais aller plus loin sur le terrain de Spinoza. Je ne suis pas spinoziste du tout, mais il a raison sur un fait. La puissance d'agir, en fait, ça réside dans la joie. La tristesse, c'est pas un moteur. La tristesse te mène vers le bas. Tant que tu as la joie, tu peux tout faire parce que tu as la puissance d'agir. Ce qu'il appelle, ce qu'il a repris un terme en latin, le conatus, C-O-N-A-T-U-S. Je suis d'accord. Le désir de vivre par la joie. Et c'est comme une voiture. C'est, la joie, c'est l'essence. Je suis d'accord. Et dans tous les cas, tu as toujours un moteur. Et même quand tu perds tous tes moteurs, tous tes rêves, toutes tes ambitions, t'es triste, t'es par terre, il va te rester un truc qu'on ne peut pas enlever à l'humain, c'est l'espoir tout simplement. Aujourd'hui, je vais être le contre-exemple. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'espoir. El Amel, comme on dit en arabe. Vous avez tous les mêmes idées. Je ne dis pas que je suis opposée. Mais aujourd'hui, le mot espoir, j'y crois très fort, très très fort. Mais pour ma part, c'est des mots balancés comme ça. Et lorsque l'on dit ces mots-là, je crois qu'il faut les vivre et croire. Et bien entendu, il y a des personnes qui se relèvent d'épreuves très difficiles. Mais j'ai envie de dire aussi que, par exemple, des grands auteurs, des grands peintres ont pu produire des œuvres magnifiques justement parce que ils étaient en souffrance, en mal-être et en questionnement sur leur âme, leur existence. Donc je ne suis pas en train de prôner, surtout pas, je ne suis pas en train de prôner l'idée des suicides, pas du tout. Je parle de l'entre-deux, des questionnements, du sens de la vie, de l'autre, de l'altérité, de comment être dans ce vivre ensemble, parce que plus ça va, et plus on est seul. Plus ça va, tout le monde est connecté. Plus ça va, tout le monde se déconnecte. Les personnes qui s'expriment, qui font des poèmes, on les qualifie de gentils. Alors qu'auparavant, être gentil, c'était une qualité. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai l'esprit un peu ailleurs. Je suis là sans être là. Je vous écoute. Mais ce n'est pas un contre-exemple que vous êtes. Il y a une antithèse. Parce que sans opposition, il n'y a pas de débat. Hein. Un débat, ce n'est pas par accord, c'est par désaccord. C'est ça la controverse. Donc, oui, c'est vrai que l'espoir dit comme ça. C'est beau, c'est mignon. Mais il y a encore un autre moteur. Encore un autre. C'est la foi. La foi que j'entends, c'est la grande confiance que tu as en tes actes. La foi. La foi, c'est puissant, très très puissant. La foi en soi ou la foi... La foi en soi. Ou la foi du... La foi en soi. Ou la foi en... Ouais, ça dépasse la religion. Hein. Je ne parle pas d'une foi de fanatique, hein. Ou une foi aussi banale qu'un pieu, mais d'une foi que tu as en toi. Parce qu'après, pour reprendre Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Donc, certes, on ne naît pas tout seul, parce que voilà, on n'a pas demandé à naître tout ça. Mais une fois qu'on existe, qu'est-ce qu'on peut faire à part se contenter d'exister? Pas grand-chose, en vrai. Attends, micro. Pardon, je suis pas d'accord. Exister, c'est un sport. En fait, moi, je vois des choses comme ça, c'est ma vision, je ne l'impose pas aux autres, mais c'est la mienne. Non, pas un combat non plus. C'est un chemin. Tu chemines. Cheminer, c'est du sport, hein, c'est de la rando. C'est... Ça fait mal aux pieds, il faut savoir s'adapter, il faut savoir mettre les bons outils de côté, laisser ce qu'il faut laisser, l'abandon, abandonner les choses qui nous sont néfastes, c'est le plus dur pour moi, abandonner. Parce qu'il faut savoir se délester de ce qui n'est pas utile, aussi bien matériellement que mentalement. Humainement, des fois aussi, c'est très difficile. Il y a des humains qu'il faut éviter parce qu'ils sont nocifs, plus nocifs qu'une drogue. Et je trouve que mettre des humains de côté, les évincer pour notre bien-être, c'est la chose c'est la plus difficile à faire dans ce monde. Parce que parfois, on veut aider les gens. Il y a beaucoup de gens que j'aide, même en dehors du côté professionnel. Et de les évincer, c'est parfois des gens qui ne sont pas tant néfastes que ça, mais qui nous rendent encore plus mal que ce qu'on a déjà. Ou qui n'arrivent pas au bon moment. Et avec qui on a des liens puissants. Parfois, ça peut être une copine, ça peut être un ami, ça peut être... beaucoup de choses. Parfois, c'est la famille qui pose problème, qui nous parasite. Et de mettre à l'écart des êtres humains qui font partie de notre vie depuis des années, depuis des mois, parfois c'est des semaines, mais c'est très puissant, c'est la chose la plus difficile à vivre. Et je vais rebondir juste sur ce qui arrive à Ernesto en ce moment. On se pose la question en bas de chez nous le soir de comment évincer des gens qui prennent trop de place ou qui nous en veulent, qui nous veulent pas du bien. Et avec Ernesto, on se trouve là à pas savoir trop comment faire. Donc c'est, je sais pas s'il veut dire un mot. Je crois qu'il faut être sincère, c'est ça le tout philosophie. À fait, il faut être sincère. Mais quelquefois, il y en a qui sont sans domicile fixe, ils vont dans le sous-sol des parkings, et c'était pour 48 heures, non, il reste 2-3 semaines, et ils font leurs besoins un peu partout, et puis c'est néfaste pour nous, quoi. Il faudra les mettre dans un hôtel particulier, mais... Moi, je vais t'expliquer, j'ai été SDF, donc je peux t'en parler. Je m'en suis sortie le 1er novembre. J'ai eu mon appartement, j'ai été SDF pendant plus d'un an et demi, j'ai passé un hiver dehors, j'ai eu froid, le froid que les gens qui n'ont pas été dehors ne connaissent pas, j'ai eu faim, j'ai eu peur, on m'a volé mes affaires 36 000 fois, mon argent, on m'a manqué de respect, je suis une femme, vous comprenez. Et effectivement, on fait nos besoins partout parce qu'on ne sait pas comment faire. On préfère faire ça dehors que dans notre pantalon. On essaye de se respecter. On n'est pas des chiens. Un chien fait caca par terre, on lui dit rien. Un SDF fait caca par terre, on lui dit quelque chose. À un moment, il faut remettre les choses dans l'ordre. Mais c'est vrai que ça dérange. C'est la tranquillité publique qui s'occupe de ça, les flics, les policiers, que je respecte beaucoup. Parce qu'ils nous aident aussi, il faut le savoir. Et... un SDF, il faut l'aider, il faut lui dire le 115. Il faut lui dire, appelle le 115. En fait, s'il n'a pas de téléphone, vous appelez pour lui. En fait, Séverine, et ça peut l'aider. En fait, Séverine, moi, la personne de qui on parle, c'est moi qui l'ai fait rentrer dans le parking pour 48 heures, 72 heures. Et tous les voisins, après, ont cherché le coupable. Donc, c'était moi. Le coupable. Et moi, je ne me sens pas coupable de ça. Parce que je l'ai déjà fait une mauvaise dynamique dans la tête. Voilà, coupable. Moi, je l'ai fait par humanité, même pas par excès. Ouais. Et sauf qu'après, il y a eu des vandalisations, il y a eu des vols, il y a eu des nuisances. OK, mais j'ai appelé plusieurs associations dont c'est le métier et ces associations ne viennent plus. Le 115 compte. Le 115 ne vient pas. Le groupe SOS que j'ai contacté ne vient pas. La police. Donc du coup, la police vient, mais le monsieur n'est pas là. Et moi, ça me pose question de faire venir la police pour un monsieur qui dort dans un parking, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mm-hmm. Parce voilà. que tu connais parce pas le métier de la police. Moi, en fait. Je le connais, le métier de la police, très bien, parce que j'ai fait partie de la police pendant un certain temps. J'ai été gardien de la paix. Ah bah, on se rejoint là-dessus. Merci. C'est ça dont je voulais pas te parler tout à l'heure de mon métier, mais... Et en fait, d'appeler la police pour... Merci. D'appeler la police pour une personne qui ne fait que dormir et certes occasionne des nuisances parce qu'il défèque dans les parties communes. Il leur trouve des solutions. C'est l'humanité. Mais la police me renvoie vers le syndic. Si c'est pas le syndic, il me renvoie vers d'autres personnes. Ouais, après, je me trouve démuni, tu vois. D'accord. Ouais, mais moi je trouve que t'as bien réagi. Déjà, t'es propre, t'es droit, t'es propre sur toi, t'es droit sur toi et dans ta tête. Et tu n'as pas à t'en vouloir. Et sache que la police a beaucoup de solutions. Et moi, ils m'ont aidé. C'est eux qui m'ont trouvé mes solutions. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai mon appartement. Donc sache-le. Ça soulage ta conscience. Sujet vraiment, vraiment compliqué qui est l'ATS, tentative de suicide. Ouais, sujet difficile, hein. En tout cas, c'est bien. Voilà, les problèmes existent vraiment. Du coup, on essaye de vraiment de faire avec, de faire autant. C'est pourquoi il y en a qui vont travailler, il y en a qui vont faire de l'art et il y en a qui vont faire du foot. Et c'est là que quelqu'un va nous parler de foot, justement. Oui, justement, le foot. Les co-responsables, ils étaient au Qatar. Il vient d'arriver du Qatar, il a vu tous les matchs. Et voilà, ouais, j'ai vu tous les matchs. Pam, pam, pam, pam. Là, ils ont perdu, c'est pas la peine de dire ça. Vas-y, Jason, raconte-nous comment tu as vécu la Coupe du Monde au Qatar, là. Ah, les matchs, c'était bien. Oui. C'était... Raconte-nous comment ça s'est passé, la finale. Tu viens la finale, c'était un match de fou. Tu vois le penalty de Messi à la 13e minute. Après, il y a Gonzalez. Excuse-moi, je n'ai pas encore la télé, donc À la 13e minute, penalty. Combien de minutes ? À la 13e minute, penalty de Messi. Wow. Après, tu vois le deuxième but, une quinzaine de minutes après. Une but de Gonzalez, qui joue à Benfica. Attaquant Benfica. Ouais, d'accord. Il a seulement 21 ans, il a Benfica. Après, Benfica, après... c'est Milan. Non, c'est Portugal. C'est Portugal. C'est Lisbonne, ouais, Lisbonne. Benfica, la rue, Lisbonne. Ça m'a abîmé, j'ai oublié plein de choses. Après, la deuxième mi-temps, ouais, toujours 2-0. Après, 80e minute, penalty pour la France. Même, c'est Mbappé qui le tire. Pas, normalement, c'est Griezmann, mais là, c'est Mbappé qui l'a tiré. Donc, il est dedans. Il marque. Après, une minute après, il égalise. Ça, c'est un match de fou. C'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de fou. Une minute après, il égalise. Il y a eu combien de buts dans le... Il y a combien de buts ? Il y a 3-3. 2-2. Après, prolongation... avant la fin de la prolongation, tu vois un but encore De Paul ou Gonzalez. C'est pas vrai. Après 118e minute, penalty pour la France, Mbappé, il égalise. Après penalty, les tirs au but. Tirs au but. Après tu vois, c'est l'Argentine qui commence. Donc. 1-0. Ensuite un partout. Ensuite 2. Jusqu'au bout. 2-1, ensuite 2-2, et ensuite tu vois la France qui est ratée, 3-2, et ensuite la France elle rate encore, et le but et le dernier de Paul, 4-2, et c'est fini. Et, bravo. 3-3, 4-2 au tir. On applaudit. Et fin du match, après la remise de la Coupe du Monde. Donc attends, j'ai pas bien compris là, tu vas nous faire le petit résumé, on a gagné combien là? La France a perdu 4-2 au pénalty, au tir au but. On a perdu 4-2, mais c'était beau. Mais sur la rencontre, 3-3. On a un appel, on peut dire aussi à notre radio. Après, la remise de la Coupe du Monde, la remise des prix. Vas-y, continue. La remise des prix, le meilleur buteur. C'est qui le meilleur buteur ? Le meilleur buteur, c'est... Mbappé. Non, Mbappé, ouais. C'est Mbappé, ouais. Un salut Mbappé, qui c'est un voisin là. Avec 5 buts. Un voisin, vous savez où il vit Mbappé, il doit vivre pas loin d'ici, hein, non? Il faut l'inviter un jour à la radio. Non, il habite. Avant, il habitait à Bondy, mais avec tout l'argent qu'il a, il habite pas à Bondy, c'est sûr. Mais non, il est un bandit, il n'est pas à Bondy. Avec tous les millions, il habite pas à Bondy. Attends, prends un autre micro là. Tu as un autre micro là. Ouais, c'est sûr. Tu as un autre même micro. Même ses parents, ils ont bougé avec tout l'argent qu'il a. Oui. Non, parce que Jérémy il connaissait son frère, je crois. Après la Coupe du Monde, ouais, et 3e étoile pour l'Argentine. En tout cas, salut Mbappé, bah, parce que c'est pas. C'est médaille d'or. Donc les deux buts qui ont été mis, c'était qui? En 2018, ils avaient dit pour Messi dans 4 ans, et finalement il a gagné la Coupe du Monde. C'est Mbappé. Oh, merci à notre reporteur qui vient d'arriver de Qatar. Merci, Jason. Que tu comprennes, mais tu vas nous chanter un rap après ou pas? Donc, en gros, pour faire simple, mais reviens à retenir tout d'abord que c'était un des meilleurs matchs de Coupe du Monde comme on ne verra jamais. Donc, ça a fait un 3-3. Quand il y a 3-3 dans le foot, on passe à ce qu'on appelle les prolongations. Qui dure 15 minutes chacune. 15 minutes. Et pendant ces prolongations, il n'y a pas eu de but. Du coup, on est passé en additionnel. Voilà, les séries de buts. D'accord. Voilà. Et Mbappé, ce qu'il a fait de remarquable, la France, elle était menée 2-0. Et c'est lui qui a mis les deux premiers buts pour égaliser. Le premier avec un pénalty. On peut se dire c'est qu'un pénalty, mais un pénalty, c'est difficile. Ce mec est une machine à but. C'est une machine. Et le deuxième, il l'a mis en 2-3 temps. D'accord. En 2-3 temps, tout de suite, égalisation. D'accord. Ensuite, on croyait que c'était un scénario écrit. Ensuite, Argentine met un but, ça fait 3-2. La pression. T'as vu ? La pression. Ensuite, c'est pas fini. J'ai loupé ça. La France égalise. Donc les voisins crient. Aïe. Tout le monde crie. Suspense. 3-3. Suspense. Suspense. Du coup, ça va. Il y a les temps additionnels. On se dit, mais qui va la mettre? Qui va faire le 4-3? Ouais, c'est chaud quand c'est de l'additionnel. C'est chaud. Donc, ce qui se passe, on va aux prolongations. C'est toujours intense. mais personne n'arrive à se défaire de l'autre. Donc, ouais. Série penalty. Ouais, et on a et deux joueurs qui ratent. Ouais, et c'est fichu. Ouais. C'est pas de leur faute. À ce niveau-là, c'est pas. C'est pas de leur faute. Un penalty. Tu le joues un dernier morceau, Ernesto. Joue-nous un dernier morceau, un peu de musique. Ouais. Donc là, on va passer à la musique. Ouais, voilà, un peu de musique. On va passer à la musique. Donc, super. Donc en gros, pour la musique, attends vite. Mets-toi un micro. Tu peux le mettre un pied de micro. T'as vite fait, attends, faut présenter. Donc pour la musique, il y aura quatre personnes. Il y aura. Oui. Ernesto Miguel. Yes, yes. Il y aura en cover, peut-être. Farouk. Yes. Farouk. Emma. Ah, oui. Je vais chanter avec toi. Yes, yes. Plus. Dune, yes, Dune, plus, tu peux chanter aussi avec nous si tu veux. Plus Belle ACK Ace. Belle ACK Ace. Donc, il est 17h43. On va faire de la musique jusqu'à la fin, tout type confondu. Je sais pas si je vais réussir à chanter là-dessus. Excusez-moi, je voulais dire quelque chose. Magnifiquement expliqué, hein, le match de foot. Magnifiquement expliqué, vraiment. Ah non, on l'a revécu. Mais ça, c'est le football international. Mais est-ce que les pays africains ont joué? Aujourd'hui, à la CHAN, vous saviez ça? Ce sont tous les pays africains qui jouent actuellement. Pas de pays européens, parce que c'est la CHAN, parce que c'est un championnat des pays d'Afrique qui se déroule en Algérie. Et c'est juste magnifique parce qu'en fait, vous avez des équipes qui ont peu de moyens, qui ont peu d'argent, mais qui ont cet espoir et l'envie de remporter cette coupe-là. Donc hier, j'ai regardé le match Sénégal-Madagascar et c'était aussi beau que les matchs internationaux. Voilà ce que je voulais dire. Donc bientôt, il va y avoir la finale. Hier, c'était le quart de finale. Donc, j'ai envie de dire, il faut soutenir les pays africains par rapport à tous les exploits qu'ils peuvent porter, même si ce sont des petites équipes. Je sais que les pays européens sont toujours mis en avant, mais il ne faut pas oublier l'Afrique. L'Afrique a été dépouillée. L'Afrique, encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit des petits-fils, des petits-fils, des petits-fils de tirailleurs sénégalais ou maliens qui jouent dans l'équipe de France. Donc, ce n'est pas pour faire de la politique. J'aimerais juste revenir aux sources. Et les sources, c'est regarder aussi la chaîne. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Dune. J'adore écouter ta voix. Ça me met en état d'hypnose. Tu as une voix magnifique et c'est un plaisir que tu sois là. Même si tu pleures, même si tu ris, tu racontes des choses, c'est sûr, bien, tu as la place ici. C'est cool d'entendre ta voix. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va passer à Ernesto. Ernesto et sa musique, on va chanter un peu, on va mettre la voix. Trois personnes en même temps vont chanter. Il y aura l'homme au béret, Emma et Bella Sekaïs. On va faire un truc à trois, on improvise. Emma, on improvise direct sur ce qu'il fait. C'est toi qui guide. Ça marche. Lance ta guitare. On va essayer. Ce monde immense, démon et mange, mène la danse dans ce monde immense. Il est en dette entreprenant, observer l'avenir venant, les étoiles nous guident. Ainsi elle brille, les étoiles nous guident, au ciel des dreams, les étoiles nous guident, ainsi elle brille, les étoiles nous guident, au ciel elle brille, yeah. Au ciel des dreams, yes, au ciel des dreams, Hotel California, Diego. Ah ouais, ça ouais, d'accord. Je connais pas les paroles, mais on peut au moins chantonner là-dessus. Ouais, ouais. Excuse-moi, excuse-moi. Pourrais-tu répéter cette phrase-là? Celle de la dernière phrase, Dreams. Dreams, c'est rêve, en fait. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais est-ce que tu peux la répéter? Les étoiles nous guident, le ciel des dreams. C'est magnifique. Je voulais juste que c'est une très belle poésie, que ça a très bien combiné. On voit, en fait, les étoiles filantes lorsque tu parles de ça. Et on se croirait, en fait, tout en d'une montagne, en train de contempler les soleils qui briment au soleil des dreams. C'est vraiment très joli. Je pense que tu devrais en faire une chanson avec un son derrière. Vraiment. J'ai des textes qui dorment, on va dire. Oui. Ouais, puis je reviens de là. Oui, c'est toi-même le responsable de toi-même. On est... On attend la chanson de qui va se mettre bientôt en place là. Là, l'émission se met en place. Et pour l'instant, je mets un petit truc de Georgie Ben pour le Dance African sur le football. Salut à nos amis de Brésil qui sont transformés tous les hôpitaux des jours en école de samba qui soigne en fait que les gens qui sont hospitalisés maintenant sont des compositeurs de samba. Voilà, c'est magnifique. Ah, bah, je vais y aller là comme troisième année. Je vais parce c'est que comment Martin en fait les gens ces gens sont quelqu'un c'est comment Martin on reprend speak. On peut tout à fait transformer ça en carnaval, en autre chose. On passe de problème au poème. Voilà, et là, Ernesto qui reprend un morceau, qui va être chanté par plusieurs gens. Salut Tajid, à bientôt. Alors, je vais dire un truc. Yes. Stop la guitare un peu, Ignacino il a un truc à dire. Et on reprend après. J'ai un truc, par exemple, si un mal ou un bien, et que le bien gagne ou le mal gagne. Un jour, il faut le pardonner et montrer que ça se passera toujours comme ça. Et comme ça, ils iront chercher ailleurs, mais il faut les pardonner. Voilà. Mais il faut leur montrer que ça se passera toujours pareil. Si tu t'affrontes, ils ne t'affrontent pas. Voilà, ça, je voulais dire ça. Merci, Naltinho. Merci pour tes paroles. Yes. Naltinho, mon primo, mon capverdien sûr. Hein ? La même patrie ou quoi ? Ok, ça prend sur une guitare. Après, il y aura un petit solo de Farouk. Et après, peut-être, je pourrais faire un dernier petit truc pour la dernière minute. Voilà, on est sur Pinot. Salut à tous les amis de Pinot, et spécialement Eric Mikkinen qui nous fait. Bonjour tout le monde. Excusez-moi du retard. La circulation merdique. Alors, il y a des soldes chez Primark de Val d'Europe. Il y a des soldes. J'ai craqué ma carte. C'est pour ça que je n'étais pas là mercredi dernier. J'ai fait la psychiatrie buissonnière. Il y a les soldes de Primark de Val d'Europe. J'ai dit à Quentin, j'ai vu un blouson pour toi. Si je ne l'achète pas, je me pends. Donc voilà, j'ai vu plein d'autres choses. En plus, c'est les deuxièmes des marques. H&M, j'ai vu... Ouais, la troisième. H&M, j'ai vu un manteau léopard magnifique. Il m'attend. Je connais un vendeur. Je lui dis, mets-le derrière, dans la réserve, tu marques Sophie. Et allez-y, quoi. Prenez le RER A à Haussmann Saint-Lazare. Ils ont refait la ligne et vous allez tout droit. Vous descendez avant Disney, hein, parce que sinon, voilà. Et pétez votre pognon. Ok, voilà. Bien sûr. Et hier, j'ai eu un rencard et pff, il était temps, j'en pouvais plus. Voilà. Bravo. Bon, super. Alors, bienvenue Sophie à la radio, 10 minutes avant qu'on ferme. Mais, alors, on a 10 minutes, on a 8, 9, 7, 6 minutes sur Radio Métanoïaque. On est les métanoïaques. On transforme la paranoïa en métanoïa. Et merci Farouk d'avoir amené ce sujet parce que c'est un sujet délicat que je pense qu'on l'a abordé avec beaucoup de respect, de profondeur et sans lourdeur. Voilà. Donc voilà, on a une dernière chanson. Il y a Régis, le docteur Eros qui est venu. Et voilà, on a abordé tous les sujets aujourd'hui. T'es ça ? Est-ce qu'on a abordé tous les sujets de la radio ? Ok. Ernesto, vas-y. Régis, tu veux dire un truc avant, parce qu'on a 4 minutes. Okay. Mais viens. Attends, donne le micro à Régis avant que ça prend. Et tu es près de le micro. Ça fait longtemps que j'ai pas vu celle-là, ouais. Téléphone. Et moi, je voulais l'accompagner sur la guitare, on peut pas rêver. Bah ouais. C'est le micro. Ça, c'est quand même une super chanson, on a tous au moins un souvenir. Allô. Parlez au micro. On a tous au moins un souvenir. Moi, je suis micro 1. Vas-y, ouais. Continue. Allô. Après, il y a Farouk. Toujours pas. Ouais. Yes. J'ai pas. Vas-y, balance un truc. On a 4 minutes. Ok. Tu me dis je t'aime, à d'autres, tu te dis gangsta, à d'autres, tu en veux, ok. Tu me dis je t'aime, à d'autres, tu te dis gangsta, à d'autres, tu me veux du bien, à d'autres, tout est bluff, à d'autres, tu te dis je t'aime, à d'autres, tu te dis gangsta, à d'autres, tu me veux du bien, à d'autres, tout est bluff, à d'autres. Yes, continue, hein, c'est pas fini. C'est bon. Yes. Okay. Jess, merci Ernesto, bravo. Super, cool. Yo, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, tout le monde, okay, okay. Acapella. Tu okay, le suis, okay. Jason. Yes, yes. Yes. Ok, ok. La rue, c'est l'assaut. Cité, être ensemble, c'est le pro. CD. Yeah. Ok. Ok. La rue, c'est la société, être ensemble, c'est le pro. C'est des plusieurs façons de faire de l'argent. L'argent, l'argent, l'argent retourne l'esprit des gens, des gens. Ok. Presque tout puissant. Ok. Ok. Presque tout puissant. Ok. Ok. Presque tout puissant sur scène. Ok. Presque tout puissant sur scène, rien n'est épuisant. Presque tout puissant sur scène, rien n'est épuisant. Ok. Ok. Ok. Ok, bon, je vois mal, c'est pour ça. Ok, la porte de la foi est ouverte. Je tire le poignet, puis j'entre. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Tout comme toi, rien de spécial. Rien de spécial. Je sais ce que je peux faire par une vie. Allons ensemble. Et yo. Allons ensemble. Viens si tu veux m'accompagner. Yo. Allons ensemble vers l'infini, où le firmament n'est plus une limite. Allons ensemble vers l'infini, où le firmament n'est plus une limite. Pour moi, c'est fini. On enchaîne avec Farouk. Vas-y, Farouk. Farouk, il mange. Mais c'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Oui, voilà, téléphone. Tiens, tiens, un câble, tu veux. On a une minute pour... c'est là. Deux minutes pour Farouk. Qui Farouk, en plus, il faut, on n'arrive pas. Moi, j'aime pas trop l'image, mais en général, les dessins qui fait Farouk ici sont tellement d'une beauté. Il faudrait que vous veniez un jour. Comment décrire une image? Je vais interpréter un son de Zao. Le titre, c'est Dima. Voilà. Tu connais pas le truc du 27 ans? Non, on entend pas la musique. Non, je connais. Comme M.I.N.R.S. Toi qui me croyais vider son cœur, ton visage, je le connais par cœur. Le poids, toi ici et moi ailleurs, loin de toi, je t'oublie pas, où je vais je te vois, ouais. C'est comme si t'étais là, près de moi, je t'ai dans la peau et dis-moi, je pense à dis-moi, dis-moi, dis-moi, si tu veux. C'est bien, bien, bien, bien, bien. Oui. Bon, on va y aller. Merci tous les métanoïaques. Hein. Bravo pour cette belle émission. Et on se voit mercredi prochain. Et bravo. Je suis contente pour Paranoïde. Merci. C'est un morceau que j'aime bien. Au revoir tout le monde. Des bisous. Merci beaucoup. Attends, t'as mal. Merci. À tu viens mercredi prochain. Peut-être, je sais pas. Ok. Sinon, on fait lundi, on fait une autre radio. Parce que maintenant, j'habite à Goussainville, mais on ouvre ma part. Ah oui, ok. Sauvé.